l'homme est pour frapper. Par contre moi j'aime me saouler, pour chanter ma vérité, vivre en marge de la société. Il faut voir, oh, il faut voir. Il faut voir, oh, il faut voir. Parce que moi j'aime me saouler, parce que moi j'aime me saouler, enculé toute cette année. N'a pas oublié à vous écouter, n'a pas bien fait pour aller pointer. Parce que moi j'aime me saouler, pour chanter ma vérité, pour ne plus vous supporter. Il faut boire, oh, il faut boire. Il faut boire, oh, il faut boire. Parce que moi j'aime me saouler, parce que moi j'aime me saouler, enculé toute cette année. N'a pas oublié à toutes ces lois, n'a pas bien fait pour faire embarquer. Parce que moi j'aime me saouler, pour chanter ma vérité, la hurler jusqu'à tomber. Il faut boire, oh, il faut boire. Il faut boire, oh, il faut boire. Parce que moi j'aime me saouler, parce que moi j'aime me saouler, enculé toute cette année.